santé et même la vie. Moi même moi pas voyer, moi même moi pas voyer. Moi gagné en pile péché. Oh, c'est où seul qui vraiment sait. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mais pas tu m'aimes, mais pas tu m'aimes. Gagné en pile gras. Pique à passer, pique à pas, c'est péché. Oh, grâce ou c'est. Quittez le travail. Gagnez un pile grâce dans vous, gagnez un. Puis grâce à ces péchés nous. Avouez grâce ou tous. Quittez le travail. Si ça va gagner un peu grâce, gagner un peu grâce. Passé. Grâce au Seigneur, madame. Ça sont gros paroles, oui. Ça sont gros paroles. Ça sont gros paroles. Ça sont gros paroles. Si la gagne, gagne. Si pas de grâce, m'ta éliminé. Si pas de grâce, m'ta fini. Si pas de grâce, m'ta gaspillé dans Miami. Grâce ou levé, grâce ou transformé, grâce ou changé. Les hommes virent tout à moi. Yo dit m'pa boum, c'est fatra. Gagne, pile grâce. Pique à passer péché. Grâce au Seigneur, baga. Quittez le travail. Jésus, où c'est sous la vie? Jésus, où c'est sous? Femme, l'esprit, où sa mesure? Aïe, aïe, aïe. Chali na moi, asara ba chere bo sara, ada roko chere bo sara ma chere bo chere, reboko chere bo sara. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, pam l'esprit au sang bezu. Chali na moi. Pas fini. Dis encore, Jésus où c'est? Âme l'esprit, âme l'esprit, où sommes-tu? Oh, Jaina. Oh, c'est la vie qui va finir. Jésus, Jésus où c'est sous? La vie moi, ou c'est sous la vie moi, c'est respiration moi, ou c'est cœur moi. Si Grégory Toussaint, ta bon micro la mêle toujours, c'est parce qu'on réel. Si Grégory Toussaint, ta bala vive toujours, c'est parce qu'on réel. Si Jésus ou c'est sous la vie, même l'esprit. Shine on me. Présent soupir, j'ai passé l'or. Présent soupir, et douce passé miel. Qui coûte li comme ça à la pensée. Ouf, il est bon comme ça là-bas. ou piche passe lò. Présence ou vidou passe bien. Tout moun ki koute li kon sa, a la ou pense, Jésus, we praise your name, oh Lord. Ti présence ou, présence ou, biche facile. Ti présence ou, ou bidous passe bien. Tout moun ki koute li kon sa, moun ki koute li, a la ou bon. Come on. Lever the now and let it presence of bien. Presence of Bidou. Presence of Bichet Barcelon. Presence of. Tout le monde qui écoute. We praise your name. Ti présence ou gardons présence qui met la vie pour bon Dieu. Gardons présence qui a couvri pour bon Dieu. Gardons présence qui a couvri petit bon Dieu. Seigneur, nous levons, nous magnifions. Pas qu'un tambour, oh nous magnifions. Alléluia. There is no one like you. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, moi déclaré, au nom de Jésus, chaque monde qui vit la présence, ça, ça y a cherché, c'est pour y joindre. Délivrance, y a besoin, c'est pour y joindre. Liberté, y a besoin, c'est pour y joindre. Délivrance, y a besoin, c'est pour y joindre. Changement, y a besoin, c'est pour y joindre. Oh, ya, ya, ya, ya. Si tu oublies mettre dehors, c'est pour yon joindre. Au nom de Jésus, Christ là, qui doit manifester dans yon. Au nom de Jésus, que l'on va capable glorifier. Oh, glorifier non. Levez de main, on dit présence ou. Présence ou. Vérité, la baptisé de sa puissance, la baptisé de son esprit. Seigneur, fais ça au nom de Jésus. Il faut encore tout le monde présence ou. Présence ou. Présence ou. Au pied du Seigneur, tout le monde qui goûte. Même j'ai encore au nom de Jésus, chantez chassa pour chaque monde dans la famille qui va convertir. Chantez chassa pour chaque monde qui doit venir joindre Jésus, pour chaque monde qui t'a droit louer, qui va louer, pour chaque monde qui a droit m'adorer, qui va m'adorer, pour chaque monde qui t'a droit célébrer, qui va célébrer. Chantez tout le monde qui écoute. You, oh God, yeah, hallelujah. Dare mes yeux sous Jésus et petit sa yon foi avec toute foi sous présence. Présence sous biche. Tout anges de Dieu qui a déplacé dans la salle. Où les anges de Dieu qui a marché dans la salle. Au nom de Jésus, montez plus haut avec. Oh, présence. Oh, car. Présence, ouais. Présence, ou papa. Présence, ou réel. L'indispensable dans la vie. Sous jambes goûter dans la présence, ça ou qu'on est. Tout le monde qui goûte, il compte ça. À la ou pensée. Tout le monde qui goûte. Sous voyons, le monde pas fou pour Jésus, c'est parce que le monde goûte. Si on ne peut pas perdre ce fait pour Jésus, c'est parce que le bon goûte. Si on ne peut pas aimer Jésus, c'est parce que le bon goûte. Si on ne peut pas d'accord vendre toute salle pour le gagner Jésus, ça, c'est parce que le bon goûte. Oh, tout le monde peut goûter. À la ballon applaudissement dans la salle. Kébella, Kébella, Kébella. Kébella pour le Seigneur des Seigneurs. Kébella pour le Dieu des Dieux. Kébella pour l'extraordinaire. Kébella pour le roi des rois. Nous célébrons dans salsa. Nous célébrons dans salsa. Nous célébrons. Gardez. Gardez. Ou est-ce que vous continuez à adorer bon Dieu comme ça? Avant 40 jours à finir, l'éternel a pété des blousailles dans la vie. Oui. Avant 40 jours à finir, la pété l'obéille. Tout le monde va parler de vous dans Miami. Vous va demander côté le passé. Comment le faire arriver là? Qui s'en mille gagne, qui route l'igue. Si vous continuez à chercher mon Dieu comme ça, adorez mon Dieu comme ça, louez mon Dieu comme ça, avant 40 jours à finir, cherchez-toi, vous ne parlez pas, mais dis qu'on l'a bien qui va le péter. Qu'on l'a bien qui va le péter. Qu'on déblose qui va le péter. Qu'on scandale qui va le péter. Dans Miami. Il a demandé côté me passer, côté me passer, côté me passer pour me marier, côté me passer pour me fiancer, côté me passer pour me graduer, côté me passer pour m'acheter caille, côté me passer pour me faire petite, côté me passer pour me faire ministère, côté me passer, côté me passer. Maman, tout le monde qui goûte. À la oubance, tout le monde qui goûte les comptes ça. À la oubance, une dernière fois, tout le monde qui